Come and reign, our God. Viens et règne, notre Dieu. By your mighty power. Au travers de ta grande puissance. You are our healer. Tu es notre guérisseur. You are our deliverer. Tu es notre délivrance. You are the unchangeable changer. Tu es celui qui change les choses you mais qui ne change pas. You are the lifter of our heads. Tu es celui qui nous élève. We worship nous you. Nous t'adorons. We love you, Lord. Nous t'aimons, Jésus. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. We desire more of you. Nous désirons plus encore more de toi. Of you, Holy Spirit. Plus de toi, Saint-Esprit. More of you, Jesus. Plus de toi, Jésus. Release your glory, Lord. Libère ta gloire, Seigneur. Come glorify your name. Viens et glorifie ton nom. In our midst. Au milieu de nous. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I give you glory and honor. Je te rends la gloire et l'honneur. For the opportunity to come and serve your people. Pour l'opportunité de venir et servir tes enfants. I pray. Je prie the glory and honor be unto your holy name que la gloire et l'honneur soient rendus à ton nom for all that you're going to do pour tout ce que tu feras in the next 3 days dans les 3 jours qui suivent. We say not unto us nous, c'est pas à nous but unto you Lord mais c'est à toi Seigneur be all the glory que la gloire revienne be all the honor que toute l'honneur be all the praise que toute la louange and adoration et l'adoration. Thank you Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We can take our seats. Nous pouvons nous rasseoir. Ningependa nitumie Kiswahili kwa sababu najua watu wengi wanasikia Kiswahili. Je voudrais utiliser le Swahili car il y a plusieurs qui peuvent écouter. Wangapi wanasikia Kiswahili ya Kenya? Combien peuvent écouter le Swahili du Kenya? Wangapi wamefika inchi ya Kenya? Combien sont déjà arrivés au Kenya? Ah, wengi. Il y en a plusieurs. Mungu wabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Ningependa kuchukua nafasi hii. Je voudrais prendre cette opportunité. Kumshukuru Mungu. Pour remercier Dieu. Kwa kunipa nafasi kufika hapa. De m'avoir donné l'opportunité d'arriver en mara ce lieu. Mara yangu ya kwanza kuja hapa Congo. C'est la première fois que j'arrive au Congo. Na hapa katika muji wenu wa Goma. Et spécifiquement dans la ville de Goma. Na ninashukuru Mungu. Et je bénis Dieu. Kwa kunipa hii nafasi. De m'avoir donné cette kupitia opportunité. Kupitia watumishi wake. Au travers de ses serviteurs. Reverend Eston. Reverend Eston. Na Pastor Rosette. Et Pasteur Rosette. Asante sana. Merci beaucoup. Kwa mwaliko huu. Pour cette invitation. Na viongozi wote na kanisa la Ark of the Covenant et Church. Et tous les dirigeants de l'église Arche de l'Alliance. Asante ni kwa kunipa nafasi. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Na ichukua kwa unyenyekevu. Je le prends en toute humilité. Sio kawaida kualikwa. C'est pas normal. Mal que quelqu'un soit invité kawaida kupata nafasi ya kutumikia watu wa Mungu et qu'il puisse avoir l'opportunité de servir les Biblia inasema kuna mtu anaweza kuchukua heshima hii. La Bible dit il y a personne qui peut prendre ce respect. Lazima achaguliwe. Il faut que vous ayez été choisi. Comme Aaron a été choisi. Tumekuja pamoja na wapendwa. Nous sommes venus avec des bien-aimés. Ambao ni Pastor Chris. Qui sont le Pasteur Chris. Na pia, najua mnamjua mtumishi wa Mungu sana hapa, vous connaissez Joshua. Très bien le serviteur de Dieu, le Pasteur Joshua. Ambaye pia alihusika sana. Qui aussi a été vraiment impliqué na Reverend Eston. Pour nous connecter au Reverend Eston. Pia tumekuja na mke wangu. Je suis aussi venu avec ma femme. Anaitwa Reverend Naomi. Elle s'appelle Reverend Naomi. Nitamwalika akuja wasalimie. Je vais l'inviter pour vous saluer. Kwa niaba ya wapendwa wengine. Elle va vous saluer. Tunafanya kazi pamoja na yeye. Nous faisons le travail ensemble avec elle. Ya huduma. Karibu sana. Bienvenue. Amen. Bwana sifiwe. Gloire à Dieu. Bwana sifiwe tusalimiane hewani. Gloire à Dieu. On peut se saluer dans l'air. Amen. Amen. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na niseme ya kwamba nafurahia kuwa mahara hapa. J'aimerais dire que je suis très content d'être en ce lieu. Kwa watu wa Afrika kama sisi. Avec des Africains comme moi-même. Na nimesikia kuguzwa ndani ya moyo wangu. Et j'ai senti être touché dans mon cœur. Kuona ya kwamba munajaa. De voir que vous avez la soif. Na muna kiu kwa ajili ya Mungu. Et vous avez la faim de Dieu. Hicho kiu cha Mungu. Cette soif de Dieu. Huwa kinafanya Mungu ashuke miongoni mwa watu. Fait que Dieu puisse descendre parmi vous. So I just want to encourage you. Donc j'aimerais vous encourager. To continue to hunger and thirst for God. De continuer à avoir la soif et la faim de Dieu. Because when you hunger for him. Parce que quand vous avez la faim de Dieu. He's going to release his power. Il va libérer son pouvoir. He's going to release his visitation. Il va libérer sa visitation. And it's going to release revival. Et il va aussi libérer le réveil. Because revival, parce que le réveil, should continue to be our heart cry. Doit continuer à être le cri de nos cœurs. Because when wakati kutakuwa na uvuvio, parce que quand il y aura le réveil, ni ya kwamba suluhisho ya mambo mengi, il y aura une solution à plusieurs choses. Kwa ajili ya jamii, sur la famille, kwa ajili ya mataifa, solution pour la nation, kwa ajili ya shida nyingi, solution à plusieurs problèmes, abako ziko katika nyakati zetu, qui sont dans notre temps, magonjwa bila tiba, il y a des maladies sans solution. Suruhisho itapatikana. Il y aura une guérison. So let us continue to seek God. Continuons donc à rechercher Dieu. Na tunapomtafuta Mungu. Et en recherchant Dieu, ataonekana kwetu. Il va se faire voir. Na jina lake litatukuzwa. Et son nom sera glorifié. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na nimeangalia hapa kwa map ya Afrika. Et je vois ici la carte de l'Afrique. Ninaona mwangaza unatoka kutoka Congo. J'ai vu une lumière qui quitte le Congo. Na unaenda katika eneo lote la Afrika. Et qui va partout en Afrique. Na pia katika ulimwengu wote. Et aussi partout au monde. May it be so to the glory of God. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Hata kwetu Kenya ukija. Même chez nous au Kenya si vous venez. Ya kwamba kuna pia kitu kama hii. Il y a aussi quelque chose de semblable. Mwangaza unatoka Kenya. Une lumière qui quitte le Kenya. Na unaenda Afrika yote. Et qui va partout en Afrique. Kisha ulimwengu wote. Et aussi partout dans le monde. Sijui ni akina nani watakuwa wa kwanza. Je ne sais pas qui seront les premiers. Kupata hilo jambo kuzalika. D'avoir la, que cela puisse être avoir naissance en kwa eux. Hivyo tuzidi kusukuma. Donc continuons à pousser. Ikitokea Congo. Si ça vient du Congo. Zote tutakuja Congo. Nous viendrons tous au Congo. Ikitokea Kenya. Si ça viendra du Kenya. Mutakuja Kenya kuona ule mwangaza. Vous viendrez au Kenya et vous allez voir ce que Dieu est en train de faire. Que nous tous soyons en train d'être élevés. Na kutafuta Mungu na bidii. Et rechercher Dieu avec force. Jusqu'à ce qu'il descende au milieu de nous. Tuone uvuvio. Que nous puissions voir le réveil. Mkono wa Bwana ukifanya kazi. Que la main de Dieu soit à l'action. Amen. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sikia neno la Bwana. Et quand nous allons écouter la parole de Dieu, fungua moyo wako, ouvre ton cœur. Kwa sababu najua kwamba, parce que je sais, ukifungua moyo wako, que si tu ouvres ton cœur, kuna vile Mungu atakutembelea. Il y a Dieu va te visiter. Na hautajuta ni kwa nini ulikuja jioni leo. Et tu ne vas pas regretter pourquoi tu étais là ce God cet bless après-midi. You so much. Que Dieu te bénisse. Tunapopokea neno la Mungu. Quand nous recevons la parole jioni leo. Ce soir. Amen. Amen. Amen. Amen. Pokeni salamu kutoka inchi yetu ya Kenya, hasa pale Nakuru na kutoka kwa jamii yetu. Recevez les salutations du Kenya, de Nakuru et de notre famille. Tumebarikiwa na watoto watatu. Nous avons été bénis avec trois enfants. Vijana, kijana moja, wasichana wawili. Un garçon et deux filles. Wote wako zaidi ya miaka 17. Tous ont plus de 17 ans. Na tunashukuru Mungu. Et nous bénissons Dieu. Tunamtumikia pale Nakuru. Nous travaillons pour le Seigneur à Nakuru. Lakini pia tunamtumikia Mungu katika taifa nzima. Et aussi nous travaillons pour le Seigneur dans toute na la nation. Pia katika mataifa ya ulimwengu. Et aussi dans d'autres nations du monde. Ningependa kufundisha neno la Bwana. J'aimerais enseigner la parole de Arafu Dieu. Baadaye tuweze kuomba pamoja. Et après cela nous allons prier ensemble. Na Mungu atatubariki. Et Dieu nous fera grâce. Ujumbe nitakaoenda kunena. La parole que je vais donner. Kichwa chake ni maisha. Le thème c'est la ni vie. Ufunuo. La vie est une révélation. Sema maisha ni ufunuo. Dis, la vie est une révélation. Amen. Amen. Nataka kusema hivi. Je voudrais dire ceci. Katika haya maisha tunaishi. Dans la vie que nous vivons. Kila mtu. Chacun. Kuna ule ufunuo akonao. Il y a une révélation que tu as. Uwe mkristo. Que tu sois chrétien. Hata wale sio wa Kristo. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Kuna vile wanaelewa maisha. Il y a une manière dont ils comprennent la vie. Na ningependa kusema hivi. Et je voudrais dire ceci. Hauwezi kuinuka. Tu ne peux pas être élevé. Juu. Au-dessus. Zaidi. Au-delà. Ya kiwango cha ufunuo ulio nao. Du niveau de la révélation que tu as. Maisha mtu ndio yainuke zaidi. Pour que ta vie soit élevée de plus. Lazima kuwe na ufunuo amepata. Il faut qu'il y ait une révélation que tu as. Utakao msaidia. C'est cette révélation qui va t'aider. Kuinuka zaidi. D'aller plus en haut. Ya mahali ambapo ako. Au-dessus de là où tu es pour le moment. Ukiona maisha yangu vile yalivyo. Si tu vois ma vie. yanategemea ufunuo nilio nao. Ça dépend de la révélation que j'ai. Nawe maisha yako yako vile yalivyo. Toi aussi ta vie est kwa sababu ya ufunuo ulio nao. À cause de la révélation que na tu as reçu. Na mtu akitaka kubadilisha maisha yake. Et si quelqu'un veut changer sa vie, lazima atafute ufunuo. Il faut qu'il puisse rechercher une révélation. Atakao ushikilia. Où tu vas tenir à la na révélation. Na ili kuwe na mabadiliko. Pour qu'il y ait le changement. Maisha yangu hayako vile yalivyo kuwa miaka 20 iliyopita. Ma vie n'est pas la même chose que c'était il y a 20 ans. Lakini pia nimebadilishwa sana. Mais j'ai été beaucoup transformé na mambo ambayo Mungu amenisaidia kuyajua par les choses que Dieu m'a aidé à na kuyaelewa et à savoir. Hata tukiwa watumishi wa Mungu, même en étant serviteur de Dieu, asubuhi hapa tumekuwa na mkutano wa watumishi le matin wa Mungu, nous étions avec les serviteurs de Dieu, hatuko katika kiwango kimoja cha ufunuo. Nous ne sommes pas au même niveau de révélation. Na tutaona hayo katika Biblia. Et nous allons voir cela dans les Écritures. Hata tukiwa wa Kristo, même en étant chrétien, hatuko katika kiwango kimoja cha ufunuo. Nous ne sommes pas au même niveau de révélation. We operate at different levels of liberation. Nous sommes en train d'opérer à différents niveaux de révélation. And you cannot rise higher. Et vous ne pouvez pas aller plus haut than the liberation that you have. Que la révélation que vous avez reçue. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, 16, Matthieu 17. Tasoma mistari kadha, Mathayo 16. Matthieu 16. Unapenda kusoma Biblia ya Kiingereza ninapohubiri. J'aime lire ma Bible version anglaise quand je suis en train de prêcher. Kwa Kiingereza. Vous allez me permettre de lire en anglais. Biblia nasema, when Jesus came to the legion of Caesarea Philippi, 16:13. À partir du 13e verset. Matthew 16:13. Matthieu 16 à partir du verset When Jesus 13. Came to the legion of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Les uns ont dit Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verse 15, but what 15, about you, he et asked. Et vous, c'est comment? Who do you say I am? Qui dites-vous que je suis? Simon Peter answered. Simon Pierre répondit, you are the Christ, tu es le Christ, the Son of the living God. Le Fils du Dieu vivant. Jesus replied, Jésus reprenant la parole, blessed are you, Simon, son of Jonah. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. For this was not revealed to you by man. Car ce ne sont pas par la chair et le sang que ceux-ci but by ont my été Father révélés, in heaven. Mais par mon Père qui est dans les cieux. And I tell you, et moi je te dis, that you are Peter. Tu es Pierre. And on this rock, et sur cette pierre, I'll build my church, je bâtirai mon église. And the gates of Hades et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Gloire à Dieu. Huyu ni Yesu ako na wanafunzi wake. Ça c'est Jésus avec ses disciples. Akawauliza. Il leur parle. Mnaposikiza watu kule nje. Quand vous écoutez les gens parler là-bas. Wanasema mimi ni nani? Ils disent qui suis-je? Kasema watu wanasema wewe ni Elijah. Ils disent les gens disent tu es Elie. Wengine wanasema wewe ni Jeremiah. Les autres disent tu es Jérémie. Wengine wanasema wewe ni moja tu wa manabii. Et les autres disent tu es l'un des prophètes. Na Yesu akawauliza. Et Jésus leur a demandé. Na nyinyi mnanijua? Et vous me connaissez-vous? Petero akasema. Et Pierre répondit. Yes, wewe ni Yesu. Tu es Jésus. Masia, le Messie. Mwana wa Mungu. Le Fils de Dieu. Yesu akamwambia Petero. Jésus dit à Pierre, blessed are you, Simon, son of John. Tu es heureux, Simon. For this was not revealed to you. Parce que ceci ne t'a pas été révélé. By flesh and blood. Par la chair ou le sang. But by my Father who is in heaven. Mais par mon Père qui est au ciel. Mtu yeyote aliye na ufunuo. Chaque personne qui a la révélation. Amebarikiwa. Il est béni. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Mtu yeyote ambaye ako na ufunuo. Toute personne qui a la révélation. Yesu alimwambia wewe Simoni. Jésus a dit toi Simon. Wewe umebarikiwa. Tu es béni Simon. Kama uko na huo ufunuo. Si tu as cette révélation. Kama wewe unanijua mimi ni nani. Si toi tu connais qui je suis. Umebarikiwa. Tu es béni. Ni vizuri kujua. C'est bon de connaître. Walipomua Yesu. Quand ils ont tué Jésus. Hawakuwa mwana wa Mungu. Ils n'ont pas tué le fils de Dieu. Waliua tu nabii mwingine. Ils ont tué juste un prophète. Kwa sababu hawakujua Yesu ni nani. Parce qu'ils ne savaient pas qui est Jésus. Miaka hiyo yote Yesu alitembea. Toutes les années Jésus a marché. Akatenda miujiza. Il a fait des miracles parmi eux. Akaponya wagonjwa. Il a guéri les malades. Akafufua wafu wao. Il a ressuscité les morts parmi eux. Hawakujua yeye ni nani. Ils ne savaient pas qui est Jésus. Na unaweza kuwa kanisani. Et tu peux être à l'église. Na bado haujamjua huyu Yesu. Mais tu n'as pas encore su qui est Jésus. Unajua kama kuna kitu nachukia? Vous savez s'il y a quelque chose que je n'aime pas? Ni roho ya dini. C'est l'esprit de religion. Roho ya ukawaida. L'esprit de la de kufanya normal. Tu mambo kwa sababu wengine wanafanya. Faire les choses parce que les autres le font. Ni vizuri ukija kanisani. C'est bon que quand tu viens à l'église. Ni vizuri ukitumikia Mungu. Quand tu travailles pour le Seigneur. Unatumikia Mungu kwa sababu uko na ufunuo. Que tu puisses servir yeye ni nani? Parce que tu as la révélation de qui il est. Kwa sababu mambo tunayofanya kwa ukawaida, parce que les choses que nous faisons à la normale, nous serons fatigués. Hayataleta faida. Il n'y aura pas de bénéfice. Lakini yale tunafanya kwa ufunuo, mais ce que nous faisons à cause de la révélation, kufanya kwa muda mrefu, nous pouvons faire pour trop longtemps. Na kwa imani, et par la foi, na tukiona matokeo, et nous allons voir les fruits. Jina la Bwana lipewe sifa. Gloire soit rendue à notre Dieu. Maisha, la vie, ni ufunuo. C'est une révélation. Vile unavyoishi, la façon dont tu vis, mambo yale wewe huwa unatenda, les choses que tu fais, hata vile huwa unamtumikia Mungu, même la façon dont tu sers hata Dieu, vile huwa unajitoa kwa Mungu, la façon dont tu te donnes à Dieu, inategemea, ça dépend ufunuo ulio nao, de la révélation que hauwezi tu as. Kufanya zaidi. Tu ne peux pas faire plus. Hata wakati watu wengi walimwacha Yesu. Même quand plusieurs ont abandonné Jésus. Yesu akasema Petero. Jésus a dit Pierre. Na nyinyi je? Et vous c'est comment? Hamtaki kwenda. Vous ne voulez pas partir. Petero akasema twende wapi? Pierre a dit où irons-nous? Na wewe ndiye uko na uzima wa milele. C'est toi qui as la parole de la vie. Hata kama kuna kurudi nyuma. Même s'il y a le retour en arrière, il y a des personnes. Hata ukiwasimamia na buduki. Même si tu es là avec une arme devant eux, ils ne peuvent pas kwa abandonner Jésus. Kwa ufunuo. Ils le suivent avec une révélation. Kidini. Ils ne le suivent pas par religion. Ils le suivent kwa sababu wanamjua parce qu'ils le connaissent. Yeye ni nani. Qui il est? Jina la Bwana lipewe sifa. Hakuna jambo linaweza kuwaondoa. Il y a pas quelque chose qui peut le détacher de Dieu parce que hawako pale kwa msisimuko. Ils sont pas là à cause des sentiments. Hapana. Non. Wako pale. Ils sont là kwa sababu wako na ufunuo. Parce qu'ils ont la révélation. Biblia inasema as a man thinketh so he is. Comme l'homme les pensées de l'homme. C'est comme ça que l'homme est selon ses pensées. You cannot rise above your thinking. Tu ne peux pas aller au-delà de tes pensées. If you are going to rise, si tu vas t'élever, you have to change your thinking. Il faut que tu puisses changer ta façon de penser. You cannot rise above the revelation tu ne peux you pas have. Aller au-delà de la révélation praise que tu as. The name of the living God. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et c'est ce soir, ne vizuri kujiuliza. C'est bon de te poser la question. Maisha yangu. Ma vie. Yanaongozwa na ufunuo gani? Quelle est la révélation qui conduit ma vie? Ni ufunuo gani nilio nao katika maisha? Quelle est la révélation que j'ai dans ma vie? Every revelation that came into my life. Chaque révélation qui est entrée dans ma vie. It changed my life completely. Ça a changé ma vie complètement. My ministry today. Mon ministère aujourd'hui. I am where I am. Je suis là où je suis. I am going where I'm going. Je suis en train d'aller où je vais. Because of the revelation I have. À cause de la révélation que j'ai reçue. Praise the name of the living Gloire God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Maisha. La vie. Yanategemea. Dépend. Ufunuo. De la révélation ulio nao. Que tu as reçu. Tunaweza kuangalia watu kadhaa katika Biblia. Nous pouvons voir plusieurs personnes dans la Bible. Ambao tunaweza angalia neno hili kuwapitia. Où nous pouvons voir des cas comment cette parole est appliquée à eux à leur katika vie. Kitabu cha Luka. Dans le livre de Luc. Kuna mtu moja ameandikwa pale. Il y a une personne mentionnée là-bas. Na alikuwa tajiri. Et il était riche. Luka 12. Luc 12. Luke chapter 12. Luke chapitre 12, chapitre 12. Ukisoma kuanzia mstari ule wa wa 20. Lisons à partir du verset 20. Bibi nasema. La Bible dit ceci. But God said. Mais Dieu lui dit. Ok, wacha turudi pale nyuma mstari wa. Revenons un peu en arrière. Wa 16. Commençons au 16e verset. 12:16. 12 verset 16. And he told them this parable. Il leur dit cette parabole. The ground of a certain rich man produced a good crop. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup he rapporté. He thought to himself. Et il raisonnait en lui-même. What shall I do? Que ferai-je? I have no place to store my crops. Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Said, voici, dit-il. This is what I'll do. Voici ce que je vais faire. I'll tear down my barns. J'abattrai mes greniers. And build bigger ones. J'en bâtirai des plus and grands. And there I'll store all my grain. J'y amasserai toute ma récolte. And my goods. Et tous mes biens. And I'll say to myself. Et je dirai à mon âme. You have plenty of good things. Tu as beaucoup de biens. Laid up for many years. En réserve pour plusieurs take années. Life easy. Repose-toi. eat and drink, mange, bois, and be merry. Réjouis-toi. But God said to him, mais Dieu lui dit, you fool, insensé, the very night your life will be demanded from you. Lui-même, ton âme te sera then demandé. Who get what you have prepared for yourself? Et qui pourra prendre ce que tu as this préparé is how pour it will toi-même. Be to anyone who stores up things for himself. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. But is not rich towards God. Mais qui n'est pas riche pour Dieu. Gloire à Dieu. Hapa tunaona mtu ambaye alifanya kazi kwa bidii. Nous voyons quelqu'un qui a fait le travail na avec force. Na akaweza kuwa na mali nyingi. Il a eu plusieurs richesses. Na akasema sasa, et il s'est dit maintenant, nitapanua gara zangu. Je vais étendre mes greniers. Niko na mali ya kula siku nyingi. J'ai de l'argent pour plusieurs jours. Moyo wangu tulia. Que mon cœur se repose. Na Mungu akamzungumzia. Et Dieu lui a parlé. Jioni hiyo. Il dit ce soir. Akamwambia mjinga wewe. Il dit insensé que tu es. Roho yako. Ton âme. Wanaitaka. Te sera demandé. Tout ce bien que tu as amassé, itaenda wapi? Où est-ce que ça na va Yesu partir? Akasema, hivyo ndivyo itakavyofanyika. Et Dieu a dit, il s'est lancé yote ambaye ni tajiri, pour toute personne qui est riche, lakini sio tajiri kwa mais qui n'est pas riche pour Dieu. Hii natufundisha nini? Qu'est-ce que ceci nous apprend? Ya kwamba maisha ni ufunuo, la vie est une révélation. Na vile watu wanaishi, et selon que les gens vivent, wanaishi kulingana na ufunuo walio nao. Ils vivent selon la révélation qu'ils ont reçue. Huyu jamaa ameandikwa hapa, le monsieur dont on parle ici, ufunuo alikuwa nao juu ya maisha, la révélation qu'il avait sur ni ya kwamba maisha, c'est que la vie ni kufanya kazi kwa bidii, c'est travailler dur na upate mali, et que tu puisses avoir des na richesses uishi vizuri, et que tu puisses vivre bien. Hakuwa anaona zaidi ya hivyo. Il ne voyait pas au-delà de cela. Hakuwa anajua kwamba unafaa kumtumikia Mungu. Il savait pas qu'il faut servir Dieu. Hakuwa anajua kwamba baada ya kifo kuna uzima wa milele. Il savait pas qu'après la vie il y a l'éternité. Ufunuo aliyokuwa nao. La révélation qu'il avait. Ni atafute mali. C'était qu'il cherche les richesses. Awe na mali nyingi. Qu'il ait plusieurs richesses. Asisumbuke. Et qu'il puisse pas aishi avoir maisha mazuri. Des peines et qu'il puisse se reposer et vivre une lakini bonne Mungu alipomtembelea. Mais quand Dieu l'a visité, alimwambia, il lui a dit, wewe ni tajiri. Tu es riche. Lakini ni tajiri mjinga. Mais tu es riche insensé. Kwa hivyo kuna watu wengi. Donc il y a plusieurs. Mungu akiwaangalia. Quand Dieu vous regarde. Anasema wewe ni tajiri. Il dit tu es riche. Lakini ni tajiri mjinga. Mais tu es riche insensé. Kwa sababu hauna ufunuo mwingine. Parce que tu n'as pas autre révélation. Umejipatia tu mali. Tu cherches seulement à amasser des richesses dans cette vie. Lakini leo ukifa. Mais aujourd'hui si tu meurs. Hauko tajiri. Tu n'es pas riche. Kwake Mungu. Selon Dieu. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hivyo maisha. Donc la vie. Kuna watu hapa mnaishi kufanya kazi kwa bidii. Il y a des gens ici qui travaillent dur. Unachukua sehemu ya pesa zako unazitumia. Vous prenez une partie de votre sehemu ingine unatumikia Mungu. Vous utilisez une autre partie. Unatumia wakati wako kutafuta mali. Tu utilises ton temps pour rechercher la richesse. Na wakati mwingine unautafuta. Et quand tu es en train de rechercher kutafuta uso wa Bwana. Autre temps tu es en train de rechercher la face de Dieu. Pourquoi? Unajaribu kuleta balance katika maisha. Tu essaies d'équilibrer la vie. Na unaelewa kando ya maisha ninayoishi. Et tu comprends qu'après cette kuna vie maisha mengine. Il y a une autre vie. Kando na utajiri huu nilio nao. Après cette richesse. Kuna mahali na weza kuweka utajiri. Il y a un endroit où je peux mettre ma richesse. Utajiri, là où cette richesse utanisaidia milele. Va m'aider dans l'éternité. Kuna watu wengi kule nje katika dunia. Il y a plusieurs personnes qui sont là dehors dans le monde. Ufunuo walio nao wa maisha. La révélation qu'ils ont sur la vie. Ni vile tu anaweza kupata mali. C'est comment ils peuvent s'enrichir. Aishi maisha mazuri. Et vivre une bonne vie. Hajui ya kwamba. Ils savent pas. Anaweza katafuta mali. Peuvent chercher la richesse. Na wakati anafikiria ni wakati wa kula mali. Et quand il croit que c'est le moment de réjouir maintenant son âme. Inahitajika binguni. Demandé au ciel. Kwa hivyo kuna watu wengi. Donc il y a plusieurs personnes. Hata kama wataingia binguni. Même s'ils vont entrer au ciel. Watakuwa masikini. Ils seront pauvres. Hawatakuwa na kitu. Ils n'auront rien. Kwa sababu hawakujua. Parce qu'ils ne savaient pas. Ukisoma katika Biblia. Si tu lis dans la Bible. Hasa wa Ibrania 11 mstari wa 35. Hebreux 11, 35. Biblia inaongea juu ya mashujaa wa imani. La Bible parle des héros de watu la foi. Waliopata wafu wao. Les gens qui ont été reçus. Lakini wengine. La révélation est d'autres. Walikuwa wanateswa. Ils étaient en train de souffrir. Na wanasema. Et ils se disent. Mimi sitaki kuachiriwa. Moi je ne veux pas être abandonné. Natafuta ufufuo ulio bora. Je veux rechercher la résurrection réelle. Kwa hivyo walikuwa wanaona. Donc ils étaient en train de zaidi voir. Ya maisha haya. Au-delà de la vie terrestre. Bwana pewe sifa. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo mimi siwezi kutishika na watu katika dunia. Donc moi j'ai pas peur des gens dans le monde. Walio na mali nyingi. Qui sont riches. Walio na utajiri mwingi. Qui ont beaucoup de richesses. Lakini roho zao. Mais leur cœur. Hawajaweza kuzishughulikia. Ils n'ont pas encore, ils sont pas encore occupés de leur cœur. Hawana utajiri kwa Mungu. Ils n'ont pas de richesse vis-à-vis de Dieu. Bwana apewe sifa. Gloire à Dieu. Kwa uhakika mimi sina mali nyingi hapa duniani. Moi sur la terre, j'ai pas beaucoup de richesses. Lakini nashukuru Mungu sana. Mais je bénis grandement kwa Dieu. Kwa nafasi amenipatia kumtumikia. À l'endroit où il m'a donné pour le servir. Kwa sababu hiyo, parce que cela inanipatia utajiri. Me donne une richesse. Ambao ni wa milele. Qui est éternel. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Na sisemi pia uishi ukiwa masikini. Je ne dis pas que vivre en tant que pauvre. Biblia inaongea juu ya mfano mwingine. La Bible parle d'un autre exemple. Katika tu hicho kitabu cha Luka. Dans le même livre de Luc. Inaongea juu ya tajiri ambaye alikuwa tajiri. Il parle de quelqu'un qui était riche. Na mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Lazarus. Et l'autre Lazare qui était pauvre. Wote wawili. Tous les deux. Ni mifano Biblia inatupatia. Sont des exemples que la Bible nous donne. Luka 16. Dans Luc 16. Kuanzia mstari wa 20. À partir du verset 20. Kuanzia hapo 19, Luke 16:19. Inasema there was a rich man who was dressed in purple. Il y avait un homme riche vêtu en pourpre de fin lin. And lived in luxury every day. Et chaque jour menait joyeuse et at brillante his vie. Gate was laid a beggar. Un pauvre nommé Lazarus couché à sa porte. Covered with sauce. Couvert d'ulcère. And longing to eat what fell from the rich man's table. Désiré de se rassasier des miettes qui tombaient even de la table du riche. Came and licked his sauce. Et même les chiens venaient encore lécher the time ses ulcères. Le pauvre when mourut. The beggar died. Le pauvre mourut. And the angels carried him to Abraham's side. Et il fut porté par les anges. The rich man also died. Le riche mourut aussi. And was buried. Et il fut enseveli. In hell, dans les jours de where mort, he was in torment, he looked up and saw Abraham far away il with Lazarus by his side. Et il vit loin, loin d'Abraham. Verse 24, so he called to him. Il s'écria, Father Abraham, Père Abraham, have pity on me. Aie pitié de moi. And send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue. Et on voit Lazare pour qu'il tremble le bout because de son doigt dans I am l'eau. In agony in this fire. Car je souffre cruellement but dans Abraham cette flamme. Replied, Abraham répondu, son, mon enfant, remember that in your lifetime, souviens-toi que tu you as received your good things, dans ta vie tu as reçu des while biens, Lazarus received bad things. Et Lazare a reçu des maux. But now he is comforted here. Maintenant il est ici consolé. And you are in agony. Et toi tu souffres. Haya, ama hii ni mifano Yesu aliyopatiana. Ça sont des exemples que Jésus était en train de donner. Na mimi sioni kama Yesu alikuwa anataka tuwe na maisha ya Lazarus. Et je ne dis pas que Jésus veut voir que nous puissions avoir la vie de Lazare. Na sioni kama Yesu alikuwa anataka tuwe na maisha ya ule tajiri. Et je ne dis pas que Dieu veut que nous puissions avoir la vie du riche. These are two extremes. Ça c'est les deux extrêmes. Moja anaishi maisha haya. L'un qui vit cette vie, ce genre de na vie. Na anayaishi vizuri. Et il vit cette vie en abondance. Hajui anaenda wapi. Mais il ne connaît pas où il va. Mwingine ndio anajua Mungu. L'autre connaît Dieu. Ni mwenye haki. Il est juste. Ni mtakatifu. Il vit dans la sainteté. Lakini pia katika maisha haya. Mais dans cette vie. Hakuna mtu anaweza taka kumfuata. Il y a personne qui voudrait être comme kwa cela. Kwa sababu hali yake. Parce que la ni hali ya umasikini. C'est une condition de pauvreté. Ni hali ya aibu. Condition de honte. Na ni hali ya magonjwa. Condition de maladie. Sidhani kama Yesu ametupatia mfano wa Lazarus. Je ne crois pas que Dieu nous a donné l'exemple de Lazare. Akitamani tuishi kama Lazarus. Voudrant que nous puissions vivre comme Lazare. Na sidhani Yesu alitupatia mfano wa tajiri. Je ne crois pas non plus que Dieu nous a donné l'exemple du riche. Le riche qu'on a donc parle. Akitaka tuishi maisha ya tajiri. Voudrant que nous puissions vivre la vie du riche. De l'homme riche. Ni vizuri tuwe na ufunuo. C'est bon que nous puissions avoir la révélation. Wa kujua jinsi ya kuishi maisha. De connaître comment vivre cette vie. Ebu angalia. Regarde. Biblia inasema wakati tajiri alikufa. La Bible dit quand l'homme riche est mort. Ulikuwa na mazishi. On l'a enseveli. Lakini wakati Lazarus alikufa. Quand Lazare est mort. Alichukuliwa roho yake na malaika. Son âme a été pris par les anges. Kwa hivyo hatuoni mazishi ya Lazarus. Donc on ne voit pas l'enterrement de Lazare. Unafikiria mwili wa Lazarus ulienda wapi? Où croyez-vous que est parti le corps de Lazare? Pengine wale mbwa walikuwa naramba vidonda. Peut-être les chiens qui étaient en train de lécher ses lucifères. Sasa ndio walipata kitoweo. Ils ont eu maintenant à manger. Kwa hivyo mwili wa Lazarus. Donc le corps de Lazare. Ulikuliwa na mbwa. A été mangé peut-être par les chiens. Na hayo sio mapenzi ya Mungu. Et ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Kifu, mazishi ya heshima pia. Il faut être ni enterré. Ni mapenzi ya Mungu kwa wale anaowapenda. C'est aussi la volonté de Dieu d'être enterré avec honneur. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini naye tajiri. Mais l'homme riche. Akona mazishi. Il a eu un enterrement. Na ukiona mazishi ya tajiri imeandikwa katika Biblia. Et quand vous voyez qu'on a parlé de l'ensevelissement d'un homme riche, ça doit avoir été magari makubwa, quelque chose de grand avec des véhicules, avec le tapis rouge. Mambo makubwa. Des grandes choses. Katika mazishi ya tajiri. Dans l'enterrement. Lakini shida ni kwamba. Mais le problème c'est ceci. Wakati wanamfanyia mazishi ya kifahari. Quand on lui fait l'enterrement digne. Mahali ako. Là où il est. Analia. Il est en train de pleurer. Anasema Baba Abraham. Il dit, Père Abraham. Siwacha Lazarus. fait que Lazare puisse mettre son doigt dans l'eau et qu'il puisse altérer ma langue. Parce que la langue a refusé de confesser Dieu. Qu'on puisse mettre de l'eau. Parce que c'est en train de brûler maintenant. Ça, c'est des grands enterrements. Mais là, il est en train de souffrir là où il est. Parce qu'il n'avait pas eu la révélation. Même s'il avait la vie de richesse. Où ira mon âme? Wakati mimi sikuwa nimeokoka. Quand je n'étais pas encore sauvé, nilikuwa namwambia Mungu. Je disais à Dieu. Mimi nataka siku ile nitakufa. Je voudrais le jour que nataka je vais mourir. Nikufe tu. Que je puisse simplement mourir. Kwenda binguni. Je ne veux pas aller au ciel. Nastaki kwenda kuzimu. Je ne veux pas aller en enfer. Nataka maisha yangu ya dunia nifike. Je veux que ma vie ifike tu mwisho. S'arrête seulement. Mungu akanifunulia akaniambia. Et Dieu m'a révélé, il m'a dit. Wewe, toi, ni kiumbe roho. Tu es un être esprit. Unaishi katika mwili. Qui vit dans la chair. Na roho haifi. Et l'esprit ne meurt pas. Roho haizikwi. L'esprit ne peut pas être enseveli. Roho inaishi milele. L'esprit vit éternellement. Wakati Biblia inasema tumeumbwa kwa mfano wake. Quand Dieu, la Bible dit on a été créé à l'image de Dieu. Sio katika mapua. C'est pas avec notre nez. Sio katika macho. C'est pas avec les yeux. Ni katika roho. C'est en esprit. Kwa sababu Mungu ni roho. Parce que Dieu est esprit. Na alitengeneza mwili wa udongo. Il a créé le corps. Akapulizia pumzi yake ya uhai. Son souffle dedans. Kwa hivyo uhai nilio nao. Donc la vie que j'ai. Ni roho. C'est l'esprit ya Mungu ndani yangu. De Dieu en moi. Na hiyo roho haiwezi kufa. Et cet esprit ne peut mourir. Wakati utakufa. Quand tu mourras. Hiyo roho lazima iende mahali. Il faut que cet esprit puisse aller quelque part. Et ça dépend. Umeiandalia wapi? Comment tu as préparé pour ton âme? Ili kaishi pare mirele. Pour que ton âme, ton esprit puisse aller vivre là-bas éternellement. Donc le riche, na ufunuo. Il n'avait pas la révélation. Ya kwamba mimi ni kiumbe roho. Que moi je suis un être esprit et il faut que je puisse me préparer. Ma mort, nitaenda wapi? Où irai-je? Pengine Lazarus alikuwa na ufunuo. Peut-être que Lazare avait la révélation. Akawa anaishi maisha matakatifu. Il était en train de vivre une vie de sainteté. Akawa anamuogopa Mungu. Il était en train de craindre Dieu. Lakini pia wakati alipokufa. Mais quand il est mort lui aussi. Yule mtu alienda kumlaki. Celui qui l'a ni baba yetu wa imani. C'est notre père de la foi. Baba Ibrahim. Abraham notre père. Ah. Oui. Unaenda kurakiwa binguni. Si vous êtes accueillis au ciel. Na mtu ambaye par quelqu'un. Hapa duniani. Qui sur la terre. Alikuwa tajiri. Était riche. Sijui kama mnajua Abraham. Je sais pas si vous savez alikuwa Abraham. Alikuwa na jeshi yake. Il avait son armée. Sio watchman. C'était pas juste des sentinelles. Wa kuchunga nyumba yake. Juste pour garder sa maison. Alikuwa na jeshi. Il avait ya watu 318. De trois, plus de 300 personnes. Abraham alikuwa tajiri mkubwa. Abraham était riche vraiment. Isaac alikuwa tajiri mkubwa. Isaac était réellement riche. Jacob alikuwa tajiri mkubwa. Jacob était réellement riche. Paka wafalme wa dunia. Jusqu'à ce que les walikuwa wanawaendea. Allaient vers eux. Wakasema. Et ils disent. Nataka tuwe na agano. J'aimerais que nous soyons en ya alliance. Ya kwamba. Pour que wewe tu ne vas pas nous faire de mal. Parce que nous avons vu vile ambavyo, comment toi uko na uwezo tu as mkubwa. La puissance, tu as une grande puissance. Bona nikaribishwe binguni. Quand je serai accueilli au ciel, hapa duniani, par quelqu'un qui est sur la terre, mkubwa, il était un grand riche. Na bado anaenda binguni. Et il va aussi au ciel malgré inategemea sa richesse. Cela dépend ufunuo, la révélation qu'il a reçue. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Sijui kama hapa iko hivyo Kongo. Je ne sais pas si c'est la même chose ici lakini au Congo. Lakini wakati kanisa lilianza pale Kenya. Mais quand l'église a commencé au Kenya. Especially kanisa la Kipentekoste. Et surtout les églises pentecôtistes. Watu wanaojua kuomba. Les gens qui savent prier. Watu wanaojua kuabudu Mungu. Les gens qui savent adorer Dieu. Kanisa lile lilikuja. L'église est arrivée. Kwa njia watu walikuwa nasema hatuna haja na mashamba. Et les gens disaient on n'a pas besoin des parcelles. Sisi hatuna haja na magari. On n'a pas besoin des véhicules. Sisi tunaenda binguni. Nous allons au ciel. Hatuhitaji mashamba. On n'a pas besoin des parcelles. Hatuhitaji magari. On n'a pas besoin de voitures. Wakashughulikia sana mambo ya kiroho. Et ils s'occupaient beaucoup des choses spirituelles. Lakini mambo ya kimwili. Mais les choses charnelles. Wakaiachiria. Ils ont abandonné. Siku ya leo. Aujourd'hui. Ndio kanisa limeanza kuinuka. C'est maintenant que l'église commence à se kuelewa ya kwamba. Et à comprendre. Kama tuko katika mwili huu, tunahitaji mambo ya mwili. Nous avons besoin des choses de la chair. Lakini bado, mais tunaenda binguni. Nous allons quand même au ciel. Praise the name of the living God. Oui. Kama kanisa lingeanzia mahali pa kujua haya. Si l'église pouvait commencer en sachant kuanza kudunisha mambo, commencer à mettre les choses dunia en hii. Pour le, sur la terre. Kwa sababu unafaa, parce qu'il faut. Imagine Lazarus. Imaginez-vous Lazare. Alikuwa anatamani. Il avait envie. Makombo. De prendre les miettes, yale anaanguka, les miettes qui tombaient de la table du riche. Na Mungu anakupatia kile unatamani. Et Dieu te donne ce dont tu désires. Kwa hivyo Lazarus, donc Lazare, aliishi kwa vidonda. Il vivrait avec aliishi kwa umasikini. Il vivait dans la pauvreté. Sio kwamba Mungu angeweza kumponya. C'est pas que Dieu ne pouvait pas le guérir. Sio kwamba Mungu angeweza kumbariki. C'est pas que Dieu ne pouvait pas le bénir. Lakini inategemea ufunuo. Mais ça dépend de la révélation qu'il a reçu. Mimi naona Lazarus. Je vois Lazare. Ni watu ambao. Ce sont les gens. Wanasema tu anaenda mbinguni. Qui disent qu'ils vont au ciel. Na hawana haja. Mais ils n'ont pas na besoin. Na mambo ya hapa duniani. Des choses de la terre. Wanasahau. Ils oublient. Ya kwamba wakati una umeokoka. Que quand tu es sauvé. Na umebarikiwa. Et tu es béni. Unakuwa ushuhuda. Tu es un témoignage. Ya matendo ya Mungu. Des œuvres de Dieu. Na wengine wanatamani. Et les autres ont envie. Huyo Mungu. De ce Dieu-là veulent aussi désirer le Dieu. Mungu wa Lazarus. Qui veut désirer le Dieu des Lazare? Mungu ambaye anakuachilia na bidoda. Le Dieu qui te laisse avec des ulcères. Mungu ambaye anakuachilia unaomba omba. Le Dieu qui te laisse dans la mendicité. Lazare. Hangefanya evangelism. Ne pouvait pas faire l'évangélisation. Angehubiria nani? Qu'est-ce qu'il va prêcher à qui? Angekuwa mchungaji wa nani? Qui serait le pasteur de qui? Angefuatwa na nani? Qui pourrait le suivre? Na sio kwamba Mungu hawezi bariki. Ce n'est pas pour dire que Dieu ne peut pas bénir. Alitamani. Mais Lazare désirait. Makombo. Les miettes. Yale yanaanguka. Qui tombait kutoka en venant kwa meza ya tajiri de la table du na Mungu akampa hayo. Et Dieu lui a donné cela kwa sababu ndio alitamani. C'est cela qu'il demandait, qu'il maisha ni ufunuo. La vie c'est une révélation. Inategemea uko na ufunuo gani. Ça dépend de quelle révélation tu as. Hey, mimi niko na ufunuo. Moi j'ai la révélation ya kwamba Yesu aliyekufa que Jésus qui est mort akamwaga damu, il a versé son sang, akanisafisha, il m'a lavé dhambi zangu, tous mes péchés, ili niingie mbinguni pour que j'entre au ciel. Huyo Yesu, ce Jésus là, aliyefanyika masikini, celui qui s'est fait pauvre. Hey, oh, ndio na mimi nikatajirika. Pour que je sois riche. Huyo huyo Yesu, c'est le même Jésus qui a alipigwa, qui a été frappé, akajeruhiwa, il a été blessé, ili kwa majeraha yake par ses blessures magonjwa yangu yote les maladies yakapate kupona, puisse être guéri. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Yesu, Jésus, aliniletea, il m'a amené a package, un paquet of salvation, de salut. Na ni vizuri kuelewa. Et c'est bon de comprendre. Wokovu wetu. Notre salut. Uko na nini? Il y a quoi dedans? Na nini? Il y a quoi d'autre? Na nini? Et quoi d'autre? Usije ukachukua. Pour que tu ne puisses pas prendre. Ni kama mtu ameenda kwa buffet. C'est comme quelqu'un qui va à un buffet. Unajua ukipeleka mtu kwa chakula ile ya buffet. Si tu vas et amènes quelqu'un à un buffet. Na hajazoea. Et il n'est pas habitué à cela. Na chakula imepangwa chakula aina ishi. Il y a 20 types d'aliments. Ha? Ako pale kwa meza. Et il est là à la table. Pengine pale kwa meza. Peut-être à la table. Analetewa ile soup kwanza. Il commence avec la sauce. Ile appetizer. Pour juste donner l'appétit. Na zile keki kidogo. Et des petits gâteaux. Unakuta mtu amekula ile bakuli ya soup. Et tu vois quelqu'un qui a bu la sauce. Na anaweka keki kama 10. Et il prend 10 petits morceaux de gâteau. Hajui ya kwamba. Il ne sait pas. Hii ni appetizer tu. Ça c'est juste pour donner l'appétit. Chakula chenyewe bado. Le repas principal n'est pas encore arrivé. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Akienda kwa chakula. Quand il va au repas principal. Ah, il dit, oh, nimejaza tumbo je na suis déjà plein avec la sauce na makeki peke yake, et avec des petits gâteaux. Kumbe chakula chenyewe, mais le repas kilikuwa ni bado. C'était encore, hey, attendez encore. Yesu, Jésus ametuandalia, nous a préparé buffet, un buffet. Na watu wengine, et il y a d'autres personnes katika ufalme, dans le royaume, wanatumia tu supu peke yake. Ils prennent seulement la sauce. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Kwa sababu hawana ufunuo. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Budu some kitabu cha matendo ya mitume. Lisons dans Actes des apôtres. 19. Actes des apôtres 19. Matendo ya mitume 19. Acte 19. Biblia inasema. La Bible dit. From verse 1, 19, Acts 19 verse 1. À partir du premier while verset. While Apollos was at Corinth. Pendant qu'Apollo était à Paul Corinth. Paul took the Lord through the interior and arrived at Ephesus. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul arriva à Éphèse. There he found some disciples and asked them. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, did you receive the Holy Spirit when you believed? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? They answered, ils lui répondirent, no! Nous, non! We have not even heard, nous n'avons même pas entendu that there parler is a Holy Spirit. Qu'il y a un Saint-Esprit. So Paul asked, et Dieu, Paul dit, then, what baptism did you receive? Quel baptême avez-vous donc reçu? John's baptism. Et ils dirent le baptême de Jean. They replied, Paul said, et Paul leur dit, John's baptism, Jean a baptisé, was a baptism of repentance. Du baptême de repentance. He told the people, disant au peuple, to believe in one coming after him, de croire en celui qui venait après that lui. That is in Jesus. C'est-à-dire en Jésus. On hearing this, sur ces paroles, they were baptized into the name of the Lord Jesus Christ. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. When Paul placed his hands on lorsque them, Paul leur eut imposé the les Holy mains, Spirit came on them, le Saint-Esprit vint sur and eux, they spoke in tongues, et ils parlaient en langue, and prophesied, et prophétisaient. Hallelujah. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hapa tunaona wahubiri wawili. Nous voyons deux prédicateurs ici. Ni watumishi wa Mungu. Deux personnes serviteurs de Dieu. Wako na zili ya Mungu. Qui sont zélés. Moja anaitwa Apollos. L'un c'est Apollo. Alipoenda pale Ephesus. Il est parti à Éphèse. Akahubiri neno la Mungu. Il a prêché l'évangile. Akabatiza watu. Il a baptisé les gens. Na akaondoka. Et il est parti. Baadaye Paul akakuja. Après Paul arrive. Akawauliza. Et il leur demande. Wale wanafunzi waliobatizwa. Il demande les disciples qui ont été baptisés. Il demande. Je. Hey, avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Wakati mlipo batizwa, quand vous avez été baptisé, wakasema, ils ont répondu, sisi hata kusikia, nous même écouter parler, kuna hiyo roho takatifu, il y a un Saint-Esprit, hatujasikia, on ne sait pas, on n'a pas entendu. Kwa nini hawakusikia? Pourquoi ils n'ont pas entendu parler? Ni kwa sababu, c'est parce que mwenye aliwahubiria, celui qui les a prêché, ufunuo aliyokuwa nao, la révélation qu'il avait, haku, alikuwa na ufunuo, il avait une révélation wa ubatizo wa Yohana, du baptême de Jean-Baptiste, na hakuwa na ufunuo, il n'avait pas la révélation wa Roho Mtakatifu, du Saint-Esprit, na karama, et les dons za Roho Mtakatifu, du Saint-Esprit. Maisha ni ufunuo. La vie est une révélation. Ndio nikasema hata sisi wahubiri. C'est pourquoi je dis même pour nous. Hatuko kiwango kimoja cha ufunuo. Au même niveau de révélation. Na ndipo hata ukikutana na watu. Et c'est pourquoi quand tu te rencontres avec certaines personnes. Kanisa wanarosoma. L'église où ils vont. Inategemea ufunuo. Ça dépend de la révélation. Lile kanisa. Que l'église. Wako nao. Que l'église a. Kwa sababu hauwezi enda zaidi. Parce que tu ne peux pas aller au-delà. Nikiwa kiongozi, si tu, je suis le dirigeant, nitawafikisha watu. Je vais faire arriver le peuple. Mahali nimefika. Au niveau où je suis arrivé moi-même. Kuwapitisha hapo mbele. Je ne peux pas leur faire arriver kama au-delà. Mimi mwenyewe, si moi-même, sijapita je hapo ne suis mbele. Pas encore arrivé nitawafikisha à ce niveau. Hapo. Je vais le faire arriver kwa sababu à ce niveau. Hapo ndio nimejua. Parce que c'est là que je sasa connais. Apollos, alors Apollos, alipoenda akahubiri, quand il est parti prêcher, hakujua mambo ya Roho Mtakatifu. Il savait pas de le Saint-Esprit. Hakujua ubatizo ambao Yesu Kristo. Le baptême que Jésus aliweza kutuletea. A donné, a amené. Sasa Paul aliposikia hivyo. Alors quand Paul a appris cela, akawaambia hapana. Il a dit non. Hiyo baptism imebatizwa naye. Ce baptême que vous avez reçu. Apollos hakuwa na ufunuo. Apollo n'avait pas la révélation. Hatubatizi watu na ubatizo wa Yohana. Nous ne baptisons pas avec le baptême de Jean-Baptiste. Ule ubatizo wa Yohana. Le baptême de Jean-Baptiste. Ulikuwa wa kuandaa njia. C'était pour préparer le chemin. Pour que Jésus arrive. Sasa tunawabatiza watu. Nous baptisons les gens. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Na Yesu sasa. Et Jésus maintenant. Ametuma Roho Mtakatifu. Il a envoyé le Saint-Esprit. Kwa hivyo watu wakibatizwa. Donc quand les gens sont baptisés. Ils reçoivent Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Ikabidi. Il fallait. Paul. Que Paul. Awabatize tena. Puisse les baptiser encore à nouveau. Kwa hivyo hakuna shida ya kubatizwa mara mbili. Donc il y a pas de problème si vous êtes baptisé deux fois. Pengine ulibatizwa ya kwanza. Peut-être vous avez été baptisé la première ambayo fois. Ambayo haikuwa na ufunuo. Et il y avait pas de révélation là-dedans. Unaweza kusema sasa. Tu peux dire maintenant. Nimepata ufunuo. J'ai la révélation. Nibatizwe tena. Baptisez-moi encore. Na ukibatizwa na ufunuo. Et si tu es baptisé avec la révélation. Les bénédictions de l'Éternel viennent sur toi. Wakati walipobatizwa na Paul. Quand ils ont été baptisés par Paul. La Bible dit ceci. Akawawekelea mikono. Ils ont imposé les mains. Wakapokea Roho Mtakatifu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Wakaanza kutabiri. Ils ont commencé à prophétiser. Unajua kuna mambo tunasema. Il y a des choses que nous disons. Katika Biblia. Dans la Bible. Yaliyena na mitume. Que ont été parlé par les apôtres. Lakini Yesu ni yule jana. Mais le, Jésus est le na même. Leo, hier, na hata milele. Aujourd'hui éternellement. Yale Yesu aliyatenda. Ce que Jésus a fait. Miaka 2000. Il y a plus de 2000 iliyokwisha. Qui sont passés. Hata sasa. Même aujourd'hui. Bado anatenda. Il continue à le faire. Inategemea. Cela dépend. Uko na ufunuo gani. Quelle révélation tu as. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Yesu ametuletea. Jésus nous a amené. Wokovu. Le salut. Tuingie binguni. Nous entrons au ciel. Lakini huyo hiyo Yesu. Mais le même Jésus. Amekuja. Atuponye na magonjwa. Na huyo huyo Yesu. Et le même Jésus. Anayeponya magonjwa. Amefanyika masikini. Ili tuwe matajiri. Pour que nous soyons enrichis. Hey! Hey! Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Sijui kama wewe unajua. Je ne sais pas si tu sais. Mungu ni mtakatifu. Dieu est saint. Lakini pia Mungu. Mais aussi. Ni tajiri sana. Dieu est tellement riche. Paka kwake. Chez lui, barabara, les chemins, il y a de l'or. Bado unaweza kuwa mtakatifu. Tu peux être saint. Na ukawa tajiri. Et tu sois riche aussi na ukawa en même temps. Na et que tu aies des richesses en même temps. Cela dépend de la révélation que tu as. Praise the name of the living God. Amen. Najua kuna watu wakiona mtu tajiri sana. Il y a des personnes qui voient si quelqu'un est riche. Utajiri. Ils ont peur de la richesse. Wanasema pengine awe devil worshipper. Peut-être celui-là il est occultiste. Anaabudu shetani. Peut-être il est en train d'adorer Satan. Qui t'a dit? Dunia yote. Que le monde entier. Na vyote vilivyomo. Tout ce qui est dans le monde. Ni mali ya Mungu wetu. Appartient à notre shetani Dieu. Ni mwizi. Le diable ni est voleur. Kuiba, riba. Il est en train de voler. Praise the name of the living God. Amen. Swali langu siku ya leo. Ma question aujourd'hui. Uko na ufunuo gani? Quelle révélation tu as. Hawezi inuka. Tu ne peux pas être élevé au-delà de la révélation que tu as. Kuna mhubiri moja. Il y a un prédicateur pare Nigeria. Au Nigeria. Wakati wa Indahosa. Quand il était en train alienda akamwambia mtumishi wa Mungu. Il était en train de parler au serviteur de Dieu. Il a dit, je suis en train de prier maintenant pour mon ministère. Prie pour moi yangu, que mon ministère, shida znizo nazo, que les problèmes que j'ai puissent se terminer. Idahosa l'a pris. Kwa chumba. Il lui a amené dans une chambre. Na pesa. Il y avait de l'argent. Dénomination. Il a dit, prends weka le sac. Pesa. Garde cet argent. Prends ce dont tu auras besoin. Yule mtumishi wa Mungu akasema, le serviteur de Dieu a dit, apana. Non. Papa, mimi staki pesa. Papa, moi je ne veux pas de l'argent. J'aimerais que tu imposes la main sur moi nipoke. Pour que je puisse aussi recevoir ce qui t'a aidé hizi pour pesa. Arriver à avoir cet argent. C'est cela dont j'ai besoin. Bwana asifiwe sana. Gloire à Dieu. Huyo ni mtu alikuwa na ufunuo. Ça c'est quelqu'un qui avait la révélation. Alijua hizi pesa akinipatia. Il savait que même s'il me donne l'argent, l'argent va se terminer. Lakini akinipatia ile neema. Mais s'il me donne la grâce. Ambayo imemsaidia. Akafika mahali amefika. Là où il est arrivé. Hiyo neema. Cette grâce. Na mimi. Moi aussi. Itaniinua huduma yangu. Itaniinua maisha yangu. Cela va élever ma vie. Mtu ambaye angeenda hapo bila ufunuo. Celui qui pouvait aller là sans révélation. Ngesema thank you Jesus. Pouvait dire oh merci oh Jésus. My God. Oh mon Anajukua Dieu. Pesa et il prend l'argent, il met dans le sac. Kwa sababu ndio ufunuo akona. Parce que c'est ça la révélation qu'il y a. Elijah akamuuliza Elisha. Umenifuata hizi siku zote. Tu m'as suivi tout ce nataka temps. Nataka uniambie. J'aimerais que tu me dises. Ni kitu gani unachohitaji? Qu'est-ce que tu veux? Elijah akasema. Elise a dit. Sitaki mashamba yako. Je ne veux pas tes parcelles. Sitaki na pesa yako. Je ne veux pas ton argent. Lakini mimi nataka. Mais ce que je veux. Hiyo roho iliyo juu yako. Qui est sur toi. Nipate maradufu. Tu es la double hey! De cela. Hey! Elijah akamwambia Elisee umeuliza jambo ngumu. Lakini hata hivyo utakaponiona nikienda utapokea maradufu. Na hakika Elisha alipata mara mbili. Alifanya miujiza mara mbili. Il a fait les miracles deux fois le plus. Ya Elijah. Plus que Elie. Baadaye kukaja Gehazi. Et puis Gehazi est venu. Gehazi akaona. Gehazi a vu. Naaman anakuja. La vie n'est pas en train de venir. Naambiwa. Et on lui dit enda na fedha zako. Va avec ton enda na mali yako. Va avec ton argent. Gehazi akasema. Gehazi s'est dit. Bwana yangu. Oh maître. Kwa nini anamwachilia Naaman? Pourquoi il le laisse Naaman? Anaenda na utajiri wote. Va avec toute cette richesse. Akamfuata. Il a suivi. Akaitisha. Et il a demandé cela. Akadanganya. Il a menti. Akaja kwa Elisha. Il est venu vers Elisha akamuuliza. Elisha lui a demandé. Roho yangu imekufuata. Mon esprit te suivait. Na nimeona ukidanganya. J'ai vu tu étais en train de mentir. Sasa utafuatwa na ukoma. Maintenant tu auras la lèpre. Uliokuwa juu ya Naaman. Qui était sur Naaman. Elisha. Elise. Alikufa na manto. Il a reçu le manteau. Kwa sababu tunaona Israeli wakienda kuzika mtu. Nous voyons quand wanakutana na maadui. Les gens étaient wanarusha ule mtu. Les ennemis sont venus on était kaburi ya Elisha. C'était dans la ule mtu akafufuka. Et ces gens ont été kwa sababu gani? Pourquoi? Gehazi alikuwa kipofu. Gehazi était un Gehazi hakuwa na ufunuo. Gehazi na Elisha alikuwa anamuuliza. Elisha lui demandait. Huu ni wakati wa kuchukua fedha. Ça c'est pas le moment de prendre l'argent. Hauoni mimi naenda. Tu ne vois pas que moi je pars. Ungetamani. Il fallait que tu puisses désirer de prendre kile ambacho qui nafanya wafalme waje kwangu. Ce qui fait que le roi vient à moi. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Lakini Gehazi, mais Gehazi hakuwa na ufunuo. N'avait pas la révélation. Kuna watu wengi siku ya leo. Il y a plusieurs personnes hawana ufunuo. Qui n'ont pas la révélation. Hawajui wachukue nini. Ils ne savent pas quoi prendre. Hawajui waache nini. Ils ne savent pas quoi laisser. Lakini katika kongamano hili, mais dans cette réunion, Bwana akupatie ufunuo. Que Dieu te donne la révélation. Unaohitaji. Dont tu as besoin. Ufunuo. La révélation. Utakao. Que badirisha. Tu vas changer. Maisha yako. Bwana asifiwe sana. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Kuna watu wako na ufunuo wa maombi. Il y a des gens qui ont la révélation de la prière. Wengine hawana. Les autres n'en ont pas. Mimi nashukuru sana Mungu. Moi je bénis Dieu. Kwa ufunuo wa maombi. Pour la révélation de la prière. Mimi najua nitaenda bali. Moi je sais que j'irai loin. Kwa sababu nimejua siri ya maombi. Parce que je connais le secret de la prière. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Ukipata ufunuo wa maombi. Si tu as la révélation de la prière. Maombi. La prière. Ni ya dhamana sana. Et a une grande valeur. Yanaweza kukupeleka. Ça peut t'emmener. Mahali hata wafalme wa dunia hii. Là où les rois de ce monde. Hawawezi kukupeleka. Ne peuvent pas te faire arriver. Lakini kuna watu wengi. Mais il y a plusieurs. Hawana ufunuo wa maombi. Qui n'ont pas la révélation de la prière. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hawajui hata kuomba. Ils ne savent même pas prier. Maombi ni kazi. La prière est un travail. Lakini yanafanya kazi. Mais la prière travaille. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza kuwa mdhaifu. Tu peux être faible. Unaweza kuwa mnyonge. Tu peux être lakini faible. Mtu ambaye anajua maombi. Mais quelqu'un qui connaît la prière. Hata shetani. Même le diable. Hata kuzimu. Même le démon. Wanamuogopa. Ils ont peur de wanajua lui. Huyu. Ils savent que ce monsieur ataenda bari. Ira loin. Kwa sababu kuna siri yako naye. Parce qu'il y a un secret qu'il a. Siri ya kuomba Mungu. Le secret de prier. Na anapoomba Mungu. Et quand il prie. Kile hawezi kujifanyia. Il ne peut pas faire pour Mungu atamfanyia. Dieu va le faire pour lui. Praise the name of the living God. Gloire, maisha ni ufunuo. La vie est une révélation. Hallelujah. Amen. Mimi nimezaliwa jamii ambao tuliteseka nikiwa na ulcers nikiwa na miaka 10. Je suis né dans une famille où nous avons souffert à partir lakin de 10 ans j'avais des maux d'estomac. Mais je me disais kuwa na ufunuo wa maombi. Si j'avais la révélation de la prière. Mtoto, même en étant petit. Nous n'allions pas souffrir. Vile tulivyoteseka. De la manière dont nous avons praise souffert. The name of the living God. Gloire à Dieu. Nimeona Mungu akijibu maombi. J'ai vu Dieu en train de répondre aux prières. Nimeona Mungu akifanya mambo makubwa. De faire des grandes choses au travers de la puissance de la prière. C'est pas seulement pour moi. C'est pas pour moi. Hata kwa taifa nzima. Même à toute une nation. Nimeona Mungu akibadilisha taifa letu. Dieu est en train de changer notre nation. Nakumbuka kama miaka 10 iliyopita. Je me souviens il y a de cela 10 ans. Wakati mmoja nilikuwa naenda nyumbani. J'allais à la maison. Nilikuwa tu kwa gari nikiwa peke yangu. J'étais dans une voiture moi-même. Tulikuwa tunakaribia uchaguzi. C'était les élections approchées. Na unajua wakati wa uchaguzi Afrika. Vous savez au moment d'élection en Afrique. Ni kama wakati wa hofu na dhiki. Ce sont des moments de problème. Kwa sababu tulikuwa tumetoka wakati wa 2007. Et on venait des élections de 2007. Wakati watu wengi walikufa. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Tulikuwa na hofu. Nous avons la peur. Ya kwamba tunaingia katika uchaguzi. Que nous entrons encore dans une période d'élection. Lakini kiwa kwa gari. Mais en étant dans ma voiture. Mungu akanizungumzia. Dieu m'a parlé. Akaniambia. Il m'a dit usiangalie. Ne regarde pas. Ni kana kwamba comme si hauna msaada. Tu n'as pas d'appui. Mungu akaniambia. Dieu m'a dit. Unaweza kuongoza inchi hii. Tu peux conduire, diriger ce pays au travers de tes genoux. Hey. Hey. Nikauliza Mungu kweli. J'ai demandé à Dieu, c'est vrai. Akaniambia uko na uwezo. Il a dit oui, tu as le pouvoir. Wa kuamua. De décider. Inchi hii. Ce pays itaelekea wapi? Ira dans quelle direction? Nikachukua hilo neno. Je pris cette parole. Nikaanza kusanyisha watumishi wa Mungu. J'ai commencé à regrouper les hommes de Dieu. Muondoko. Nous avons commencé. Tulikuwa tunaita God bless Kenya. On disait que Dieu bénisse le Luli Kenya. Kenya on your knees. Diriger le Kenya avec nos genoux. Zote 47. Nous sommes passés partout au Kenya. Shetani, en train de dire au diable, tu n'as pas de pouvoir sur ce pays. County zote 47. Toutes les districts. Nous avons amené ça devant Dieu. Uchaguzi ulipokuja. Quand il y a eu les élections. Kulikuwa na shamla shamla. Il y avait des turbulences. Lakini zote zikaisha. Mais tout s'est terminé. Viongozi wetu walipopatiwa mamlaka. Quand nos dirigeants ont été. Hata wao wenyewe walipiga magoti. Eux-mêmes se sont mis à genoux. Wakasema wanahitaji maombi. Ils ont dit on a besoin de Mungu prière. Mungu akakonfirm. Dieu a confirmé. Nguvu za maombi. La force de la Dio prière. Zinaongoza taifa. C'est la force de la prière qui dirige la nation. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Uchaguzi uliopita wa 2017. Les élections de 2000. Kabla huwa uchaguzi. Avant ces élections, mimi les dernières élections. Mimi wanaongoza maombi ya taifa. Moi je conduis les prières pour la nation. Dieu m'a parlé. Il m'a dit tournez, si on est toute la nation. Musafara wa amani. Pour une caravane de paix. Amani. Pour prêcher et proclamer kwa la paix. Wiki tatu. Nous sommes préparés pendant wiki trois moja, semaines. Une semaine. Kila mtu alikuwa enda katika msafara. Chacun est parti dans la caravane. Katika mlimani. Nous étions à la montagne. Tunaomba. Nous prions. Wiki mbili. Deux semaines. Tukawa kwa barabara. Nous étions sur la route. Na magari. Avec des véhicules. Na maroli. Avec des camions. Tumepanga na wachungaji. Nous avons planifié avec les serviteurs de Dieu. Sehemu. Partout nous sommes tukiwa partis. Mlimani. En étant à la montagne. Mungu akatuzungumzia. Dieu nous a parlé. Akatuambia. Il nous a dit. Ya kwamba vita vilivyo katika inchi. La bataille qui est le combat qui est dans la nation. C'est pas à cause des partis politiques. Hata sio kwa sababu ya vigogo wa kisiasa. Ce n'est même pas à cause des grands politiciens. Dieu nous a dit. Ni hatima ya taifa. C'est la destinée de la nation. Inatafutwa. Est en train d'être recherchée. Pour que ça soit détruit. Tukazunguka. Nous avons surquillé. Nous avons dit au diable. Hautaharibu hatima ya taifa letu. Tu ne vas pas détruire la destinée de notre nation. Nous avons déclaré la paix. Bwana pewe sifa. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Ilikuwa na impact. Ça avait un grand impact. Mpaka raisi na mdogo wake. Jusqu'à ce que le président et son fils kanisani. Ils sont venus à notre église. Wakasema tumesikia kazi ile mnafanya. Ils ont dit nous avons appris le travail que vous faites. Amani ya continuez à prier pour la paix de la nation. Unajua hata wanasiasa. Vous savez même les politiciens. Wanajua wako na kipimo cha uwezo. Ils savent qu'ils ont un pouvoir lakini jusqu'à un certain niveau. Kuna Mungu ambaye hashindi. Savent qu'il y a un Dieu qui ne chute jamais. Kanisa tuko na mamlaka. L'église nous avons le pouvoir. Na tukipata ufunuo. Et si nous avons la révélation mamlaka tulio nayo. De la puissance que nous avons. Tunaweza kufanya mambo makubwa. Nous pouvons faire des grandes choses. Leo Kenya iko na amani. Aujourd'hui il y a la paix au Kenya. Tulipitia mahali ambapo. Nous sommes passés par le kunaonekana. Kama kutakuwa na shida. Il y aura des problèmes. Lakini kwa sababu tuko na ufunuo. Parce que nous avons la révélation. Nguvu za maombi. De la puissance de Kenya la prière, siku ya leo. Le Kenya d'aujourd'hui. Iko na amani. A la paix. Kwa sababu gani? Pourquoi? Ufunuo. La révélation. Wa kutawala inchi. Diriger la katika nation magoti yetu. Au travers de nos genoux. Unaweza kutawala maisha tu yako. Peux diriger ta vie. Kupitia nguvu za maombi. Au travers de la hakuna puissance silaha de la prière. Kubwa. Il n'y a pas de plus grand arme que nous avons. Kama wa Kristo. En tant que chrétien. Kama silaha. Comme le silaha ya maombi. De la prière. Unaweza kutumia hiyo silaha. Tu peux utiliser cette arme. Ukapigania hatima yako. Ukamwambia shetani diable, hauna nguvu, tu n'as pas de force, hauna mamlaka, tu n'as pas de pouvoir, na hatima yangu. Sur ma destinée. Pokea ufunuo wa maombi siku ya leo. Omba zaidi kuliko vile umeshawahi kuomba katika maisha yako. Dans toute ta vie. Nani yako na ufunuo wa kutoa? Qui a la révélation ufunuo de wa kutoa? De donner. Ni ufunuo mkubwa. C'est une grande révélation. Na watu wale wako na revelation ya kutoa. Et les gens qui ont la révélation wanaweza de donner. Ce sont des gens qui peuvent aller loin. Nikikwambia mambo yale Mungu ameshawahi kuniongoza. Si je t'ai dit les choses que Dieu a katika kutoa. Dieu m'a conduit par rapport wakati à donner. Wakati moja nienda mpaka Dubai. À un certain moment je suis allé à Dubai. Tumeuza gari ya jamii. On a vendu le nimeenda kununua Dubai gari mpya. Je suis allé à Dubai. Nimechagua gari mpya four wheel. J'ai choisi un nouveau na ingia kwa duka kulipa. J'entre pour payer. Mungu akaniambia. Et Dieu m'a dit. Usinunue gari. Tu n'achètes pas. Mimi najua sauti ya Mungu. Moi je connais la voix de l'Éternel. Nikamwambia ule dugu tulikuwa naye. J'ai dit à l'ami. Turudi kwa hoteli. Rentrons à l'hôtel. Akaniuliza kwa nini. M'a demandé pourquoi. Tutafute gari ingine. J'ai dit on va chercher une autre voiture. J'ai dit non. Nous sommes retournés à l'hôtel. Après ça, nous sommes retournés au Kenya. Nikauliza Mungu natakaje. Arrivant au Kenya, j'ai dit à Dieu qu'est-ce que tu veux. Il a dit tout cet argent là. Donne ça. Zikafanye kazi yangu. Que ça puisse faire mon travail. Jina la Bwana lipewe sifa. Gloire à Dieu. Haikuwa rahisi. C'était pas facile. Kutoa pesa. De donner l'argent. Nikakaa miaka minne. J'étais resté 4 ans. Bila gari. Sans véhicule. Lakini nashukuru Mungu siku ya leo. Je bénis Dieu aujourd'hui. Hakuna gari naweza taka. Il n'y a pas de voiture que je peux vouloir avoir et je vais kwa sababu gani? Pourquoi? Katika kutoa. Dans le donner. Kuna marango. Il y a des portes. Ambayo yanaondoka katika maisha yako. Il y a des blocages qui na Mungu anakusaidia. Et Dieu t'aide. Kuingia mahali ambapo. Kwa nguvu zako. Ou avec ta wewe mwenyewe. Toi-même. Haungeweza kuingia. Tu ne pouvais pas entrer. Mungu anakusaidia. Dieu t'aide. Maisha ya kungangana. La vie de nafika mwisho. Chercher avec difficulté arrive à la fin. La question. Maisha ni ufunuo. La vie est une révélation. Ufunuo gani? Quelle est la révélation que Yusuf tu as? Alikuwa na ufunuo wa utakatifu. Joseph avait la révélation de la sainteté. Il a parlé à la femme Mimi, de Potiphar. Il lui a dit, siwezi kufanya hiki kitendo. Je ne peux pas faire ça. Nikamtendea Mungu wangu dhambi. Je ne peux pas pécher contre Yusuf mon Dieu. Alijua. Joseph, nikifanya dhambi. Si je fais un péché. Sio tu Mungu nakasirisha. C'est pas seulement Dieu. Ni hatima yangu. Mais c'est ma destinée. Ninao afya. Que je suis en train ninao haribu. Que je suis en train na de Yusufu akajua. Et il savait. Niko na neno la Bwana. J'ai la parole de Dieu. Niko na ndoto Mungu alinionyesha. J'ai le rêve, la vision. Sitatenda dhambi. Je ne ferai pas de péché. Nikaharibu ndoto. Pour détruire la vision. Mungu que Dieu alinionyesha. M'a donné. Wakati unaishi maisha matakatifu. Quand tu vis la vie de sainteté. Sio Mungu nasaidia. C'est pas Dieu qui t'aide. Mungu anabaki kuwa Mungu. Dieu reste Dieu. Ufanye dhambi usifanye dhambi. Que tu pêches ou pas, Dieu reste Dieu. Uwe mlevi. Que tu sois soumis. Uwe kahaba. Que tu sois prostitué. Mungu anabaki kuwa Mungu. Dieu reste Dieu. Hausaidii Mungu kwa kuwa mtakatifu. Tu l'aides en rien en étant saint. Unajisaidia wewe mwenyewe. Unapoishi maisha matakatifu. Ni wewe mwenyewe. C'est toi-même. Unayejisaidia. Qui bénéficie na muomba Mungu kila wakati. Je prie Dieu chaque fois. Ninamwambia Bwana. Je dis à Dieu. Nataka niishi maisha matakatifu. J'ai besoin de vivre une vie de sainteté. Kwa sababu nikiishi maisha matakatifu. Parce que si je vis la sainteté. Nitakuwa na mamlaka. J'aurai le pouvoir. Juu ya nguvu. Na ufalme. Les forces. Wa giza. Et le royaume. Nikiishi maisha matakatifu. Si je vis la sainteté. Shetani hana milango. Le diable n'aura pas de porte. Ya kupiga maisha yangu. Pour entrer dans ma vie. Kuna ukuta. Unaonizunguka. Qui m'entoure. Kwa hivyo inategemea katika maisha. Donc cela dépend dans la vie. Wewe uko na ufunuo gani? Quelle est la révélation maisha que tu as? Unavyoyaishi. La vie que tu vis. Iwe ni ya kuomba. Que ce soit dans iwe ni ya kutoa. Que ce soit dans iwe ni ya utakatifu. Que ce soit dans la sainteté. Maisha yale mtu anaishi. La vie que tu vis. Yanategemea. Cela dépend. Ako na ufunuo gani? La révélation que tu praise as. The name of the living God. Gloire à Dieu. Kuna watu wako kama mwanamke. Il y a des personnes qui sont comme une femme. Yule mshunemu. Comme la femme aliona mtumishi wa Mungu. Qui ont vu le serviteur akasema, de Dieu. Et il a dit. Huyu, celui-ci. Ni mtumishi mtakatifu wa Mungu. Est un serviteur akasema, saint de Dieu. Il a dit. Construisons une tente. Akajua ya kwamba. Il savait. Kwa kumbariki huyu mtumishi. En bénissant le serviteur. Je me connecte.